France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. West Side Story, vous le savez, fait escale pour un mois à Paris. Vous savez que vous pouvez regarder sur la page de 42e rue sur francemusique.fr le concert exceptionnel qu'ils nous ont offert la semaine dernière, ici même. Mais si West Side Story a marqué son temps, c'est en partie grâce au travail remarquable de son metteur en scène et chorégraphe. Il a donné en fait ses lettres de noblesse à un métier inhumain. Le metteur en scène chorégraphe, deux métiers distincts parce que l'un règle les danses et l'autre règle la narration, le jeu des acteurs. En additionnant ces deux rôles, Jérôme Robbins a créé un précédent, la comédie musicale qui fait formidablement jouer les danseurs ou le ballet qui raconte si bien une histoire. Ce matin, je vous propose de revenir sur la carrière de celui qui fut d'abord un danseur, avant de devenir chorégraphe, puis metteur en scène et qui a aussi bien travaillé pour Broadway que pour la fameuse compagnie de Georges Balanchine, le New York City Ballet ou même à l'Opéra de Paris, sa seconde maison. Avec ce matin beaucoup de découvertes, comme pour ouvrir cette 42e rue, ce ballet chanson très narratif sur une musique de Irving Berlin. Un numéro créé pour la comédie musicale Miss Liberty qui racontait à la fin des années 40 l'histoire du modèle qui a inspiré à Bartholdi le personnage de la Statue de la Liberté. Un ballet et une chanson intitulée « Mr. Monotony ». Alors c'est l'histoire d'une jeune femme mariée à un monotone joueur de trombone qui le quitte pour un clarinettiste plus excitant. Vous allez d'abord entendre la chanson interprétée par Debbie Shapiro. Elle est immobile sur scène, éclairée par une simple douche de lumière. Et puis viendra la danse. La chanteuse sort de scène, le premier danseur apparaît en mimant les mouvements d'un joueur de trombone. Il est vraiment dans sa musique, il ne prête pas du tout attention à une jeune fille qui entre à ce moment sur scène. Il est finalement attiré par elle. Les deux réalisent quelques pas de danse ensemble, mais lorsque le clarinettiste entre en jouant une mélodie plus entraînante, elle quitte le premier et rejoint le second. Sometimes he would change the key, but the same dull melody would emerge from Mr. Monotony. Folks for miles would run away, only one preferred to stay. She quickly changed her mind. She grew tired of Mr. Monotony. Round the neighbors it was known, while he played on his trombone, someone played with Mrs. Monotony. From another village came a snappy serenader. She heard him play, and strange to say, she liked him better. 'Twas the end of Mr. Monotony.

Une des premières chorégraphies de Jerome Robbins à Broadway en 1949, Mr. Monotony, qui était recréée en 1989 à Broadway dans un spectacle fastueux, on peut le dire, qui proposait grandeur nature, une sorte de florilège des plus belles chorégraphies de Jerome Robbins. On a entendu à l'instant Debbie Shapiro, un orchestre dirigé par Paul Gemignani, et des orchestrations de cette chanson, au départ d'Irving Berlin, signées Sid Ramin et William D. Brown. Jerome Robbins est un petit génie de la danse. On peut dire qu'il a eu aussi des bonnes étoiles qui se sont penchées sur lui. Il avait beaucoup de talent et il a eu beaucoup de chance. Il naît en 1918, à New York, un 11 octobre. Il suit des études de danse classique, de danse moderne, de danse orientale, espagnole. Il apprend un peu tout. Il apprend le piano, le violon, il prend des cours d'art théâtral et puis il participe à des stages d'été de théâtre de très bonne tenue à Taminent. Très tôt, en fait, il est accepté au sein de la compagnie le Ballet Theater, où il devient soliste. Tout va très vite, mais voilà, danser avec des bottes, des ballets russes à longueur de journée l'ennuie. Petrouchka, c'est bien, mais il préfère une musique plus américaine, une danse plus moderne. C'est ainsi que naît Fancy Free. La chance de Jerome Robbins, c'est qu'il recherche un compositeur et qu'on lui conseille un jeune surdoué, Leonard Bernstein. Tous deux sont relativement inconnus à l'époque. Bernstein n'a pas encore remplacé au pied levé le chef d'orchestre du Philharmonique de New York, mais ils sont sur la même longueur d'onde. Le biographe de Leonard Bernstein raconte « Un jour d'automne 1943, Jerome Robbins frappe à la porte de Leonard qui occupait un bureau à Carnegie Hall en tant qu'assistant de l'assistant du directeur musical du Philharmonique de New York. Robbins lui parle de son ballet de projet, il lui explique qu'il veut créer quelque chose de totalement américain. Une observation de la vie réelle en ces temps de guerre à New York. » Avec aussi des danses populaires comme le boogie-woogie, l'indie hop, les claquettes. Alors il demande à Bernstein, est-ce que vous pouvez me faire entendre un peu vos musiques ? Bernstein répond, c'est drôle ce que vous me dites, parce que cet après-midi il y a un thème qui m'est venu dans la tête et je l'ai noté sur une serviette. Il lui chante la mélodie et Jerome Robbins devient complètement fou. C'est exactement ce que j'avais dans la tête. Fancy Free sera la mère de tous les succès de Robbins. En voici un extrait avec l'Orchestre Philharmonique d'Israël, dirigé par Leonard Bernstein. Et voici comment Leonard Bernstein décrit ce début. L'action commence avec les gémissements d'un jukebox derrière le rideau. Le rideau se lève sur un coin de rue avec réverbère, un bar dans une rue latérale, les gratte-ciels de New York, et trois matelots font irruption sur la scène. Ils sont à terre pour une permission de 24 heures en quête de filles. Le ballet reflète exactement la jeunesse américaine du temps de la guerre en 1944. Jérôme Robbins gardait généralement pour lui les scénarios de ses ballets, mais on a retrouvé celui de Fancy Free. Il a écrit, dans Fancy Free, les trois solos des danseurs forment le point d'orgue du ballet. Chacun a la chance de danser pour les filles et chaque danse est suffisamment imaginative pour projeter trois personnalités différentes. Le premier marin est le plus paillard, chahuteur, bruyant. Il illustre la vulgarité extravertie des marins. La danse du second est tout à fait différente. La musique est légère, plus grise, plus il arrivera ce qui arrivera. Ses mouvements sont plus naïfs et aimables. Il y a plus de chaleur, d'humour et de mélancolie. Enfin, le troisième est plus intense dans sa danse. C'est presque latin, presque espagnol. C'est très flashy. Fancy Free sera un énorme succès. Le ballet est présenté à l'ancien Metropolitan Opera, 160 fois la première saison, c'est énorme. Le public attentif rit et ovationne et très vite on décide d'en faire une comédie musicale, ce qui est un rêve de fou parce qu'aucun des auteurs n'a 25 ans et aucun n'a jamais écrit une comédie musicale. Alors ça sera On the Tone, avec exactement le même point de départ. La caractérisation des marins sera exactement la même, mais par contre, à part peut-être l'accord qu'on vient d'entendre, aucune note de Bernstein ne se retrouvera dans la comédie musicale On the Tone. Jérôme Robbins va corser le spectacle avec des danses provocantes pour des filles parfois très entreprenantes, comme une chauffeuse de taxi qui chauffe vraiment l'un des marins. Et puis, parfois, Jérôme Robbins chorégraphie des gestes de tous les jours. Dans le second acte, par exemple, on retrouve les deux marins, deux des trois marins, servis, accompagnés de jolies filles. Mais le troisième, le mélancolique Gabi, continue de rêver à la jeune fille dont il a vu la photo sur une affiche dans le métro et qu'il poursuit depuis le début à travers la ville. Eh bien, tous se mettent à le consoler. You got my enthusiasm on the land and sea. You got my whole knack of getting ladies. It can't be beat, and it's free, Gaby. It's all free, it's all free, it's all free, it's all free. Bigger affection that seeks a direction. My vigor and vim leave no one excluded, and you are included. I will get you out of your lung. You won't feel unwanted or dumb if you'll get this to the normal Neanderthal. You got me, baby, you got me. You got my extensive knowledge of anatomy. Interest in mankind of every breed, and it's free, baby. It's all free, it's all free, it's all free, it's all free. You got me, baby, you got me. You got a guy who always functions systematically. You got my whole family in Peoria for you to see, and it's free. It's all free, it's all free, it's all free, it's all free. Tyne Daly, Frederica von Stade, Mary McLaughlin, Thomas Sampson, Kurt Allman et David Garrison avec le London Symphony Orchestra dirigé par Michael Tilson Thomas, un enregistrement de 1994 de On the Tone, un énorme succès à Broadway à sa création en 1944. Et là, si Leonard Bernstein décide de s'éloigner de Broadway pour 10 ans pour se consacrer à une musique classique considérée plus noble, Jérôme Robbins y reste. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. En fait, Jérôme Robbins va mener de front un travail à Broadway et dans le ballet. Côté ballet, il crée de nouvelles œuvres, à, par exemple le très jazzy Interplay sur la musique de Morton Gould, un ballet rapide, imaginatif, une sorte de jeu entre danseurs, entre danse classique et danse moderne, entre danseurs et orchestre. Et puis il crée aussi, sur la musique de Leonard Bernstein, autour de trois êtres solitaires, deux hommes et une femme, le ballet Facsimilé. Jérôme Robbins d'ailleurs très vite va rejoindre Georges Balanchine, qui crée en 1948 le New York City Ballet. Mais dans le même temps, il continue à Broadway. Par exemple, en 1945, un an après On the Tone, il chorégraphie la comédie musicale Billion Dollar Baby sur des chansons de Morton Gould. À vrai dire, cette comédie musicale réunit toute l'équipe d'On the Tone, sauf Leonard Bernstein. Alors ça raconte le destin dans les années de prohibition d'une jeune fille qui espère en gros rencontrer un millionnaire mais passe de désillusion en désillusion. Pour cette comédie musicale, Jérôme Robbins offre quatre grands numéros de danse dont un intitulé Charleston qui capture l'énergie de la ville. Jérôme Robbins est l'un des danseurs et il peuple la danse de ces personnages typiques qu'on croisait à l'époque, des escrocs, des filles faciles, des étudiants. Surtout, il se documente pour retrouver les mouvements de l'époque. Il étudie par exemple les dessins animés comme ceux de Betty Boop. Il fréquente le musée d'art moderne. En fait, il s'agit pour lui de retrouver comment on s'habillait, de quoi on parlait et à quoi on pensait à cette époque. Une scène comique chorégraphiée au millimètre. New York, 1929. Prohibition, bootleggers, flappers, bathtub gin. Life is roaring, the music is hot, and the whole street is moving to the beat of the Charleston. It seems like everyone, everywhere is looking for a good time and a drink. Or the best place to find one is on the other side of a door. The password is Billion Dollar Baby. Whoopee! Le Charleston de Billion Dollar Baby de Jerome Robbins, recréé en 1989 dans un spectacle qui est intitulé Jerome Robbins Broadway sous la direction musicale de Paul Gemignani. En 1947, deux ans plus tard, Jerome Robbins chorégraphie High Button Shoes. Alors cette fois, l'histoire se déroule 10 ans plus tôt, en 1913, dans le New Jersey, avec deux truands qui vendent des terrains marécageux à un couple de naïfs. Jerome Robbins chorégraphie un soft shoe, notamment une sorte de numéro de claquette, mais aussi un numéro qui va vraiment marquer Broadway. Un dimanche à la mer, c'est le titre en français, On a Sunday by the Sea. On l'appelle aussi d'ailleurs le ballet de Mack Sennett. Vous savez, Mack Sennett, c'était ce réalisateur de films muets, situé souvent sur la plage à Atlantic City, dans la banlieue de New York. Il aimait filmer de jolies sirènes qui se baignaient en maillot de bain dans l'océan Atlantique. Eh bien, Jerome Robbins, pour ce ballet, dévore la revue des années 1910, Life. Il étudie les films de Mack Sennett, des films muets qu'il tournait au studio Keystone. Et puis il passe des heures avec ses danseurs et les acteurs au musée d'art moderne pour regarder tous ces films muets. Quant à Oliver Smith, le décorateur, il va construire sur scène une allée de cabines de plage d'où entrent et sortent les personnages. Il passe d'une cabine à l'autre avec ce mouvement rapide typique des films muets. Il y a une jeune fille en maillot de bain, il y a un voleur, il y a un policier qui le suit. Tout cela à un rythme trépidant. Welcome to Atlantic City, New Jersey. The year is 1913. It's a lovely Sunday. And this is High Button Shoe! On a Sunday, by the sea, oh, you're sure to see my Smitty and me. Swimming, splashing, isn't it grand? And the pool is so much better because it's covered with sand. With the someone you adore, there's a lot that you can do by the shore. On a Sunday, a day by the sea. Jérôme Robbins, et ce matin, sur la grande affiche de la 42e rue sur France Musique, nous plongeons dans ces folles chorégraphies à Broadway, dans ces innovations, en nous arrêtant sur des spectacles peut-être moins connus. Parce que si vous voulez écouter West Side Story, je vous conseille tout simplement de podcaster 42e rue de la semaine dernière, ou même de le regarder, puisque nous avons filmé cette émission et que vous pouvez voir les prestations des artistes qui étaient présents la semaine dernière en direct au studio 105. En 1948, c'est le tour de Look Ma, I'm Dancing. C'est sa troisième comédie musicale avec le metteur en scène George Abbott. Et c'est lui, Jérôme Robbins, qui apporte l'idée du spectacle. L'histoire, en gros, d'une riche héritière qui prend le contrôle d'une compagnie de ballet pour avoir une couverture et qui aide un ami danseur à devenir le chorégraphe. Et le premier numéro de cette comédie musicale, Gotta Dance, interprété par Harold Lang, offre en fait au comédien principal la possibilité de montrer qu'il sait danser à peu près tout. Du soft shoe à la conga, du ballet au jazz moderne. En fait, c'est une façon parfaite, comme Jérôme Robbins le fera dans West Side Story, de présenter un personnage juste par la danse. La musique est signée Hugh Martin. My mother didn't raise her boy to be a dancer, that was not her mission. My father hoped I'd be an engineer or a financier, that's what he was wishing. So I'm afraid that they could never love me with my arms above me in the fifth position. But I'm a guy who's got a dance, don't know exactly why. Music puts me in a trance, and I must dance or die. Mornings I waltz out of bed to an Irish reel or a Highland fling instead before each meal. When somebody beats a drum, I'm not the quiet kind. My control is overcome. I start to lose my mind. Love to swap my business clothes for my dancing pants. Anyone who knows me knows I'm a guy who just gotta dance. He's a guy who's gotta dance. That's how he gets his kicks. All night long he's gotta dance till neighbors all yell Nix. Dancing on their ceiling, I never even yawn. Wonder how they're feeling by the time it's dawn. Carioca, conga line, can-can or castle wong. Any rhythm suits him fine, just so his feet can talk. Love to swap my business clothes for my dancing pants. Anyone who knows me knows I'm a guy who's just gotta dance. Harold Lang dans la comédie musicale Look Ma, I'm Dancing, et une chanson que Jérôme Robbins aurait pu prendre pour lui-même, intitulée I Gotta Dance. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. La réputation de Jérôme Robbins est maintenant faite et les rois de Broadway, Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, font appel à lui en 1951 pour chorégraphier leur nouvelle comédie musicale, The King and I. Alors ils furent les premiers à insérer des ballets conséquents dans leurs spectacles. On se rappelle de ballets souvent oniriques dans Carousel ou dans Oklahoma. Dans The King and I, on raconte une histoire d'amour indicible entre le roi de Siam et la gouvernante de ses enfants, la Britannique Anna, qui éclaire l'éducation de cette famille. Fidèle à sa méthode de travail, Jérôme Robbins se documente sérieusement sur la danse en Extrême-Orient. Il fait appel à des danseuses asiatiques qui donnent des cours à la compagnie. Deux d'entre elles, qui ont étudié à Tokyo, apportent leur expertise, notamment sur le kabuki. Les quatre principaux numéros dansés sont faits avec doigté. Il y aura notamment l'impressionnant ballet La Case de l'oncle Thomas, complètement intégré à l'histoire. Ça raconte à demi-mot l'émancipation des femmes. Et ça se danse sur une musique asiatique avec des gestes profondément asiatique également. Mais il y aura aussi tout simplement la rencontre entre Anna et les enfants que Jerome Robbins va chorégraphier. En fait, c'est une confrontation entre les deux continents. Anna et les filles siamoises, les filles du roi de Siam, dansent ensemble et Anna tente de reproduire leur mouvement gracieux. Comme plus tard dans West Side Story, en une scène, en un ballet, on plante la personnalité des personnages et on montre comment on tente de jeter des ponts entre les deux cultures. Voici Gertrude Lawrence, la créatrice du rôle de Anna en 1951. It's a very ancient saying, but a true and honest thought, that if you become a teacher, by your pupils you'll be taught. As a teacher I've been learning, and forgive me if I boast, that I've now become an expert on the subject I like most. Getting to know you. Getting to know you, getting to know all about you. Getting to like you, getting to hope you like me. Getting to know you, putting it my way, but nicely. You are precisely my cup of tea. Getting to know you, getting to feel free and easy. When I'm with you, getting to know what to say. Haven't you noticed, suddenly I'm bright and breezy, because of all the beautiful and new about you day by day. Dans les années 50, Jerome Robbins devient aussi étudiant à l'Actor Studio parce qu'il veut apprendre à jouer et il se servira de ses leçons pour diriger les danseurs dans West Side Story. On se rappelle, la semaine dernière, Chita Rivera nous expliquait comment Jerome Robbins, sur les répétitions de West Side Story, empêchait les membres des Jets et des Sharks de se côtoyer. Il va passer, Jerome Robbins, à une nouvelle étape. En fait, il devient metteur en scène du spectacle et chorégraphe. La danse fait désormais partie de la narration, au même titre que les scènes dialoguées et les moments chantés, et il sait parfaitement où on passe de la danse au théâtre, quitte à couper des dialogues, lorsqu'il estime que la danse raconte mieux que des mots des choses. Jerome Robbins va aussi mettre en scène Peter Pan, Il fera voler l'actrice qui joue le petit garçon sur scène dans un décor féerique. Et puis, il va s'attaquer à un autre sujet important pour lui. Jérôme Robbins est juif, son vrai nom c'est Jérôme Rabinowitz. Comme Leonard Bernstein, il s'est beaucoup impliqué pour l'État d'Israël. Alors, lorsqu'on lui propose de mettre en scène un violon sur le toit qui raconte les pogroms subis par la population juive en Russie au début du XXe siècle, il ne refuse pas. Et ça sera du calibre de West Side Story, un voyage émouvant, touchant, vivant. On le sait, un violon sur le toit raconte l'exode des Juifs, mais aussi l'histoire de l'émancipation des trois filles d'un pauvre laitier qui veulent choisir leur futur époux. Il chorégraphie un formidable ballet, Jérôme Robbins, lors du premier mariage avant que les policiers russes n'interviennent pour tout renverser. La chanson s'intitule « Sunrise, Sunset ». C'est un petit bijou. D'abord, vous allez entendre la mélopée des parents qui, d'une certaine façon, disent au revoir à leur fille. Et puis, on atterrit dans la vraie fête juive. Hommes et femmes d'abord séparés. Et puis, la coutume sera vite balayée par la mariée. Tous se réunissent. Et tout se termine sur une impressionnante danse slave avec des hommes qui, accroupis, lèvent la jambe tout en portant sur leur tête une bouteille. Le ballet de Sunrise Sunset, Suzanne Fletcher, Jason Alexander, l'orchestre dirigé par Paul Gemignani. Is this the little girl I carry? Is this the little boy at play? I don't remember growing old. Yesterday, when they were small. La musique de Jerry Bock dans Un violon sur le toit, chorégraphié par Jérôme Robbins. On n'a pas parlé ce matin de la dénonciation sous le maccartisme par Jérôme Robbins de certains collègues communistes. On n'a pas dit aussi que Jérôme Robbins essaiera à nouveau de créer une comédie musicale avec Leonard Bernstein. Notamment, ils avaient comme projet The Skin of Our Teeth. En tout cas, rien n'aboutira. À partir de 1968, Robbins se tourne davantage vers le ballet et il va développer un style plus abstrait. Jérôme Robbins, en tout cas, aura mis le pied à l'étrier à d'autres grands chorégraphes comme Bob Fosse. Et pour découvrir, pour revoir le travail de Robbins, rien ne vaut un film. West Side Story, ça tombe bien, il sera projeté dimanche prochain à 11h au cinéma Le Nouvel Odéon dans le cadre d'une programmation de films de comédie musicale. J'ai 3 paires de places à vous offrir pour les gagner. Vous nous écrivez en allant sur la page de l'émission 42e rue et vous nous indiquez vos coordonnées. Dans l'actualité des comédies musicales, notez la première française du nouveau spectacle d'Isabelle Georges, vendredi au Bal Blomet. Et puis on vous conseille aussi le nouveau spectacle d'Estelle Danière au Feu de la Rampe à Paris, juste à côté des Folies Bergères. Un seul en scène autobiographique, drôle, sexy, émouvant, autour d'une jeune fille qui fut meneuse de revue et qui raconte les aléas du métier. C'est ponctué de chansons choisies avec soin, signées Gainsbourg, Ferrat, Prévert, Béart, mais aussi quelques adaptations de chansons de comédies musicales qui parlent du showbiz, et notamment une interprétation d'un classique de Zizi Jeanmaire. Je suis une croqueuse de diamants. Oui, le diamant, c'est ma nourriture. Il convient à ma nature. J'aime quand ça me crisse sous la dent. Du plus loin que j'en aperçois, j'hésite pas un seul instant et je bondis sur ma proie. Je suis une croqueuse de diamants. Cette élégante duchesse, connue faubourg Saint-Germain, cousine d'une princesse et qui a des rois comme cousins, a reçu d'un prince d'Anam les plus beaux, les plus gros diamants. Elle les a sur les mains, sur les doigts et les laisse pourrir là. Eh bien moi, j'suis une craqueuse de diamants. Il me faut ces trucs-là à la pelle. Je les déguste sans poivre ni sel. J'aime quand ça me crisse sous la dent. Du plus loin que j'en aperçois, j'hésite pas un seul instant et je bondis sur ma proie. Je suis une craqueuse de diamants. La plus costaud des athlètes qui a gagné tous les concours, la championne de bicyclette qui est la vainqueuse des 6 jours. Si elle voulait me faire confiance, triplerait leur performance. Supprimer le chocolat le matin, avaler 3 carats bien à jeun. J'suis une craqueuse de diamants. J'peux pas me passer de cette vitamine. Sans les diams, ma santé smine. J'aime quand ça me crisse sous la dent. Pour avoir ma santé de fer, j'hésite pas un seul instant. Au cara, je fais leur affaire. Je suis une craqueuse de diamants. Passage en revue de et avec Estelle Danière au Feu de la Rampe à Paris chaque mardi à 20h, recommandé par 42e rue. Merci pour votre fidélité. Sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, vous retrouverez les infos de ces actualités, la programmation musicale de l'émission. Vous pourrez regarder les vidéos de nos précédents concerts. Vous pouvez aussi nous envoyer vos commentaires sur la page Facebook de 42e rue et sur Twitter avec le mot-clé 42 rue. 42e rue, Laurent Vallière, Martine Moni, Stéphane Poitvin, Emmanuel Dupuis, Fabien Florent. Laura, on vous souhaite un très bon dimanche. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.